couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fudget à Nancy au 94.2 sur Fudget.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Coucou si vous nous écoutez de Nancy, de Metz, de Bar-le-Duc, d'Épinal, de Strasbourg, même on va très très loin jusqu'à la grande région. La géographie, ce n'est pas trop mon fort, mais c'est a priori celui de mon invité aujourd'hui. On va partir dans un univers post-punk avec Emmanuel de... Electric Press Kit. Ah, est-ce que tu peux... On le refait pour la science. Avec Emmanuel de... Electric Press Kit. Ok, c'est pas évident à dire ça. Si on devait le dire rapidement, Electric Press Kit, Electric Press Kit, Electric Press Kit. C'est fait exprès, hein. C'est pour... C'est un peu ça, ouais. Pour carabistouiller les auditeurs. Groupe de post-punk porté par donc, toi-même. Oui, et, oui. Jean-François. Jean-François, bassiste du groupe, ouais. Qui n'est pas là aujourd'hui. Et non. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, Jean-François? Franchement, Jean-François. Post-punk, alors pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas le jargon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le post-punk? Oui, alors le post-punk, c'est une musique, en fait, c'est un style musical plus exactement, qui est né, je dirais, à la fin des années 70, à la suite du punk. Et c'est un moment où des gens, influencés justement par le punk, se sont mis à penser à la musique autrement, à ajouter... des choses peut-être un peu plus travaillées, des synthés, voilà. C'est un post-punk, je dirais, qu'on a creusé. Est-ce qu'on garde l'esprit du punk? Ah oui, tout nos, à fait. Nos, il y a une, nos futurs... Alors, nos futurs, bah, probablement, peut-être, hein, je ne sais peut-être. Pas, mais encore faut-il définir ce qu'est nos futurs dans le punk. C'est vrai. Mais il y a de toute façon ses racines, hein, puisque c'est la musique d'après le punk, je dirais. Ouais. Donc, c'est des groupes comme Suzy and the Banshees, Cure, Joy Division, etc. Quoi. Ouais. Et c'est des gens qui, à la base, qui viennent du punk. Hein, les premiers travaux de Joy Division, c'est des travaux qui, à l'époque du groupe Warsaw, c'est des travaux qui sont purement punk, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est du punk un peu moins vénère, un peu plus mélodique? Alors, ça peut être très vénère, le post-punk. Hein. Ouais. Attention, il y a des groupes comme Gang of Four ou autres, ou Killing Joke, c'est très très vénère. Mais par contre, il y a dans le punk traditionnel, on a un format qui est très souvent, à part quelques exceptions, trio basse, guitare, batterie, ouais. À part des groupes comme Crass qui expérimentent, etc. Dans le post-punk, on voit... arriver des synthés, un travail, une pensée. Et ça se voit très bien dans le travail, par exemple, de Peel, le groupe de Linden, juste après les Pistols, où on voit arriver des synthés, un gros travail de production. Ouais. Voilà. Même dans les arrangements, etc. On a mais, plus... Ah oui, complètement. Hein. Mais je parlais de Peel, justement. Ça, ouais. On a des arrangements qui sont très, très fouillés. Ok. C'était le Point Culture sur le post-punk. C'est ça. Sur Fudget, dans Couleur Locale. Je suis Pierre Belmar, non? Je sais pas si Pierrot s'intéressait beaucoup au post-punk. Pas très sûr. Post-punk, non, non. Pige, alors je l'ai très très mal imité. Ok, Electric Press Kit. Alors, exactement. Question tarte à la crème. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce choix? En fait, quand on a choisi le nom, comme tous les groupes, hein, on s'est interrogé. Et je suis tombé sur ce terme dans des biographies de certains groupes. Un Electric Press Kit, c'était... En fait, un dossier de presse. Oui, quoi. C'est un dossier de presse. Voilà. Je me disais, d'accord, ok, il n'y a pas de choix particulier. Voilà, y a un petit côté anonyme, ça veut tout et rien tout dire. Rien et derrière le nom, il y a ce qu'on est. Voilà, et c'est, je veux dire, aux auditeurs, aux gens qui s'intéressent à notre travail ou généralement à ce type de musique, d'essayer de creuser, d'aller vers ces choses-là. Quoi. Ah, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand tu m'as envoyé sur Facebook... l'EP quand tu t'es présenté à moi, j'ai vu Electric Press Kit et là, j'ai dû lire en diagonale, j'étais de retour de soirée, d'ailleurs l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, j'ai lu le truc et je me suis dit mais il m'envoie le dossier de presse mais je sais pas c'est qui. Voilà, c'est ça. Il m'a fallu un moment pour me dire non, c'est le nom du groupe en fait. C'est ça. Ok, Electric Press Kit, donc Emmanuel et Jean-François, donc tu me disais en rantaine ce que vous faisiez, donc Jean-François à la basse. Et au cœur. Et toi, donc, du coup, chant. Chant, guitare. Et puis de la programmation. Et puis, voilà, c'est ça, santé. Programmation. Alors, je programme tout hardware. Ok. Voilà. Mais c'est pas de la MAO. C'est pas de la MAO, d'accord. Parce que justement, j'aime bien. J'ai vraiment. L'authentique. J'ai toujours eu envie, voilà. J'ai toujours envie de retourner, finalement, au son des gens que j'écoutais. Ok. Donc, je travaille avec des synthés des hardware, etc. Boîte à rythme hardware. Boîte à rythme, t'appuies sur une touche, puis ça fait. petit peu ça. Si on veut. Si on veut. C'est de la vulgarisation aussi sur Fadjet. Dans Couleur Locale, Electric Press Kit, on aura l'occasion d'écouter trois morceaux. Donc en fin d'émission, on écoutera un morceau qui est issu du premier album qui se nomme... Du dernier album, du dernier album. On a sorti trois albums. Du dernier album qui se nomme... Excitant. Excitant. Ouh, ça donne envie. Excite, voilà. Et deux morceaux du, du dernier EP. Voilà, on a sorti un petit EP parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti grand-chose. Ok. Le temps passe vite. Et donc, on a travaillé sur cet EP. C'est deux titres inédits accompagnés de deux remixes. Ok. Par des groupes qu'on apprécie beaucoup, Underhall, okay. Derrière moi. Donc, et puis, Logical Tears, groupe nancéen de très grande qualité, okay. Groupe Cold Wave. Et donc, du coup, un EP qui s'intitule Too Many Questions. C'est ça. Trop de questions. Et beaucoup oui. Trop, beaucoup trop de questions. Beaucoup trop de questions. De questions à propos de quoi? Ben, je crois que de questions, des questions générales, c'est-à-dire des questions qu'on se pose à soi-même, sur soi-même, mm-hmm. et des questions qu'on se pose sur les autres et sur la société englobante, en fait. Ok. C'est important de se poser des questions, mm-hmm. et parfois, on ne cesse pas de s'en poser et la vie devient délicate. Ok. C'est un message, en tout cas. Tu dirais que c'est un projet qui passe beaucoup de messages? J'ai un peu du mal avec la musique à message, mais okay. Il faut quand même être honnête, la musique passe toujours un message. Donc c'est assez ambivalent. J'ai pas envie de passer un message pour un message, mais la musique, c'est un moyen d'expression, mais un média. Donc tu dis toujours forcément des choses. Et même quand t'en dis pas, t'en dis quand même. C'est vrai. Eh bien, écoute, une musique vaut mieux que 10 000 mots. Et là, on a de la chance. On a la musique et les mots. Donc on va pouvoir écouter le titre éponyme de l'EP, Too Many Questions. Juste avant ça, peut-être me dire où on peut se procurer les EP. Too Many Questions, on peut le trouver sur Bandcamp. Okay. Pour le moment, et uniquement sur Bandcamp d'ailleurs. On l'a pas mis c'est sur electricpresskit.bandcamp.com. Exactement, ouais. Ouais. Ok. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Insta, des choses comme ça. Et les précédents projets, ils sont sur Spotify, Deezer. On trouve sur Spotify les disques et puis on trouve aussi les disques, le musique, le son et les disques qui sont disponibles chez certains disquaires, okay. bons disquaires ou chez des distributeurs. Ok. Chez Punk Rock, on trouve Excite chez Punk Rock. Records à Nancy, okay, célèbre d'accord. magasin de disques s'il en est. Eh ben, allez-y, faites un tour. En tout cas, si vous appréciez ce que vous allez entendre, mais bon, je pense que oui. Voilà. Nul ne le sait. Nul ne le sait. Vous vous poserez peut-être beaucoup trop de questions à l'issue de cette écoute, mais on va pouvoir en répondre parce que moi j'en ai aussi plein. J'en ai plein dans ma besace. C'était une transition facile, je m'étouffe moi-même. Ce qui ne veut rien dire. Et ben, je vous propose, chers auditeurs, reprends l'animation. Emmanuel. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Je vous propose, chers auditeurs, du coup, d'écouter Too Many Questions de l'EP Too Many Questions du groupe Electric Press Kit. On est avec Emmanuel sur Fadjet dans Couleur Locale. I'm sorry, but all questions must be submitted in writing. Of judging you down. Too Many Questions, électrique presque kit sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous nous rejoignez juste là maintenant et que vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, elle sera disponible dimanche à 18h sur mon Spotify. Pierre Mercier, Radio Fadjet. Abonnez-vous, vous pouvez écouter toutes les émissions depuis à peu près 5 ans, je crois, depuis la migration entre SoundCloud et Spotify, quand SoundCloud est devenu payant. D'ailleurs, on est avec un groupe de post-punk et est-ce qu'on passerait pas un petit coup de gueule sur toutes les plateformes qui deviennent payantes au bout d'un moment? Lâchez-nous la grappe. Bon, après, il y a des modèles économiques, il faut que ça fonctionne, etc. Mais quand même, quoi. Ah, je suis d'accord, oui. T'es d'accord avec moi, Emmanuel? Tout à fait. C'est... Râlons, s'il vous plaît. On est français, on râle. Non, faut pas dire ça. Faut pas s'enfermer dans des croyances limitantes comme ça, sinon on n'en sort jamais. Voilà, je digresse. Electric Press Kit qui ont sorti l'EP Too Many Questions. Donc on a écouté le premier titre Too Many Questions. Alors je vais redire un peu ce que j'ai dit en antenne, hein, parce que je trouve ça intéressant. Direct à l'écoute, ça m'avait fait penser à toute cette mouvance un peu rock gothique, etc. Cette ambiance, c'est très particulier, quoi, avec les synthés, même il y a un côté... Alors, ça va faire très bizarre ce que je vais dire, mais... Il y a un côté lourd aérien. Tu as une espèce d'oxymore comme ça. Pourquoi pas, oui. Je sais pas si tu vois dans la vibe. Tu vois, oui, c'est, oui, tout à fait. C'est lourd, mais c'est aérien. Tu vois, t'as le côté des synthés. Il y a une vibration aérienne, mais en même temps, c'est. Quelque chose d'ambivalent, oui, tout à fait. Quelque chose d'ambivalent. Et on parlait notamment de groupes comme les Sisters of Mercy, donc, qui fait partie de tes références. Ah, bah, complètement. Aussi. Je pense que j'écoute les Sisters depuis l'âge de 15 ans. C'est un groupe qui m'a jamais, donc, qui m'a jamais depuis, quitté. Donc, il y a 15 ans. Depuis un certain. Oui, une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. je sais pas si tu peux parler pour lui, mais ton compagnon Ross, Jean-François, il a les mêmes. On a Jean-François et moi, on écoute les mêmes choses. On a un background musical qui est le même. Ok. Sauf que Jean-François, il y ajoute peut-être un peu de pop, il aime bien écouter des petites choses un peu poppy. D'accord. Voilà. Ok. De musicien à musicien, j'aime bien poser des questions de musicien. Processus de composition, comment ça se passe? Attention qu'en duo, je trouve ça super intéressant. Alors, j'ai toujours... On avait un groupe il y a très peu de temps où on était un vrai groupe à quatre, une batterie, une basse, une guitare, deux guitares, une voix. Et puis, bah, les choses de la vie ont fait que on n'est pas resté ensemble. Par contre, Jean-François était à la batterie, il est passé à la basse et moi, je suis resté à la guitare et à la voix. Okay. Et j'ai toujours une admiration pour les duos. Il y a énormément de groupes qui sont des duos que j'admire profondément. Dans un duo, il y a une espèce de synergie qui se crée. Bien sûr. Je pense à des groupes comme Suicide, je pense à des groupes comme Godflesh, Cabaret Voltaire et bien d'autres, hein, qui sont des références importantes pour moi. Et c'est des duos. Et j'ai toujours une fascination pour la boîte à rythme. Donc présenter finalement quelque chose qui peut quand même, je dirais, remplir l'espace sonore et puis quelque chose de réduit finalement, deux personnes. Voilà. Alors qui c'est qui vient, genre c'est toi qui viens avec des idées de texte de mélodie? En fait, on travaille de la manière suivante. J'arrive en studio avec un texte et des lignes de guitare, et ensuite Jean-François travaille ses lignes de basse. Évidemment, j'arrive aussi avec la programmation des drums, quoi, des batteries. Okay. Donc avec une telle synergie, j'imagine que la soif de créativité est intarissable, ça doit... Bah, Oui, évidemment, quand tu fais de la musique, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, j'ai toujours moins besoin d'écrire, hein. Alors tout n'aboutit pas, il y a des choses que tu gardes pour toi, il y a des choses que tu gardes dans les tiroirs, puis que tu ressors plus tard. Mais oui, c'est un processus constant. Après, chaque musicien est différent, mais moi j'écris régulièrement parce que c'est un mode de vie aussi. Voilà. Le mode de vie de l'écriture, ça c'est pas mal. Si vous reconnaissez là-dedans, que vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale, j'en ai marre. C'est compliqué aujourd'hui. Fadjet-6 couleur locale et puis évidemment Electric Press qui t'en partagera tous les liens. Il faut les suivre. Est-ce que vous êtes alors c'est le projet, c'est vraiment que vous deux ou est-ce qu'on peut remercier des gens qui aident un peu Pour être très honnête, le groupe n'est pas absolument récent, donc on a travaillé avec pas mal de personnes dans le passé. Par exemple, on a eu une époque un manager, c'était l'ancien manager des Loups du 88, par exemple. Ouais. Ok. Des choses comme ça. Donc oui, on a rencontré beaucoup de gens, on a travaillé avec beaucoup de gens. Mais ces dernières années, c'est vrai que on a plutôt tendance. On a eu des chanteuses pour certains titres. Hein, d'accord. Mais ces dernières années, on a plutôt tendance à le temps passant, à se resserrer et à travailler sur nos émotions, à travailler sur notre exercice. Okay. C'est les choses de la vie, elles se font comme elles se font, voilà. Donc voilà, c'est un power duo en intimité. C'est un peu ça. Bon, un duo, c'est assez intime en général quand même. C'est vrai. J'ai même envie de dire que moi, vraiment, en tant que célibataire hein, aujourd'hui, que ce soit dans la musique ou dans la vie, j'adore les duos, voilà. J'ai envie de former un duo, parce que quand on est alone, c'est un peu triste, parfois. Parfois, je dirais que c'est un... on peut se réfugier dans la solitude, mais elle est aussi parfois difficile à envisager, c'est vrai. Et ce qui est rigolo, c'est que on va écouter alone. C'est fou. C'est fou, hein. Ouais. La master transition. Alors du coup, ça parle un peu de ça aussi, ce titre. Complètement. Ouais, ça parle de entre guillemets des avantages et des inconvénients, quoi. Parce qu'il y a des avantages, c'est indéniable. Bien sûr. Et puis parfois, je vais dire la palissade, mais ça peut être aussi difficile à supporter la solitude. Et un philosophe, je sais plus qui, un philosophe chinois, peut-être Lao Tzu, quelque chose comme ça, qui disait que. Les gens seuls étaient souvent les gens les plus construits. Alors, je ne sais plus exactement comment il le disait, mais il vantait un peu il prenait un peu la solitude pour la construction de soi, etc. C'est une facette aussi qui peut mais exister. Complètement. Ouais. Être seul, c'est aussi être face à soi-même. C'est pas évident d'être face à soi-même. Donc, je pense qu'évidemment, ça construit. On le retrouve dans la philosophie chinoise ou la philosophie européenne. Nous sommes avec Emmanuel du groupe Electric Press Kit et on est en pleine phase de présentation du dernier EP, Too Many Questions, et maintenant on va écouter le titre issu de l'EP qui s'intitule Alone. On y va ? On y va. Allez, c'est parti, du post-punk pour vos oreilles sur Fadjet dans Couleur Locale. You have the choice to finish nothing from what's in you. Vous écoutez Couleur Locale sur Fudget et c'était le titre Alone de Electric Presquite, mes invités avec Emmanuel. Je vous rappelle que Couleur Locale est diffusée sur Fudget à 94.2 à Nancy, Fudget.net et en DAB+, les samedis à 13h et les dimanches à midi, tous les week-ends, si tant est que j'ai des invités. Et c'est pour ça que je me permets toujours ce petit appel à candidature. Si vous êtes un artiste, un groupe de musique du coin, que ce soit de la compo ou des reprises, peu importe le style, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook directement à la page Facebook Fadjet-du-6 couleur locale ou sur programmation au singulier @fadjet.net et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous recevoir au 47 rue Charles III dans l'émission. Ça va toujours Emmanuel ? Mais écoute, très bien. Emmanuel, donc, de Electric Press Kit, qui est venu, qui vient nous présenter l'EP Too Many Questions qu'on retrouve pour l'instant sur le Bandcamp. C'est ça. Electricpresskit.bandcamp.com. Est-ce qu'il y a une sortie qui est prévue sur les autres plateformes ? Alors, écoute, on est sur Bandcamp. Là, ça nous suffit. On le mettra peut-être sur Spotify, mais j'ai pas trop réfléchi en fait. Ok. Hein, c'est un EP un petit peu pour relancer la machine. Ouais, c'est un petit peu un EP intermédiaire entre deux albums. D'accord. Okay. J'ai pas envie de me lancer dans une distribution, je dirais monstrueuse. Donc c'est ça, question future en fait. Quels sont les projets ? Il y a un album. Alors oui, on prépare un album là. Okay. La sortie, je ne sais pas quand, mais on travaille dessus. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos en primeur sur cet album ? Je sais pas, nombre de titres. Bon, je pense, moi, je ne sais pas pourquoi. Tous nos albums font 11 titres. Okay. Donc, c'est votre chiffre magique. Parce que quand j'étais gamin, quand j'achetais un disque, souvent dans les années 80, 90, étant le format du vinyle, c'était beaucoup de 10, 11 titres. Okay. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Qui reste, donc c'est un petit peu quelque chose qui reste en arrière-plan dans l'esprit. Alors, j'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a une chaîne YouTube ? Oui, oui, c'est Blue Crush Records, la chaîne YouTube. Et puis, on peut trouver, il suffit de taper Electric Press Kit, il y a pas mal de morceaux. Ouais, il y a des clips un live. Peu, des trucs un peu chiadés. Alors, pas de trucs chiadés. Ouais. on n'a jamais fait de clip, en fait, parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est sûr. Bah, on peut bricoler des choses. Bah, on peut bricoler, mais après, si on veut un truc. Voilà. Donc, on y pense pour le prochain album, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Okay. Et je pense que c'est une erreur de notre part. Ouais, par contre, il y a beaucoup de lives, on peut voir beaucoup de lives anciens live et très récents. Voilà, sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Alors, on est d'accord que la musique, la composition, c'est super, mais ce qui fait vibrer également, c'est la scène. Est-ce qu'on peut vous retrouver et si oui, quand en concert ? Alors, oui, là, on va jouer le 16 mai sur Paris, au Château Indépendant, qui est l'ancien Poupine. Alors je me suis trompé, c'est pas du tout ça. Le 18 février, pardon, okay. J'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. Le 18 février à l'Atomic, pas du tout, au Château Indépendant, cette fois à l'ancien Popine. Et le 16 mai, cette fois c'est exact, à l'Atomic 4 sur Bastille, toujours sur Paris. Okay. Voilà, ça c'est deux dates qu'on va faire. Bah prochainement. Là. Prochainement. On espère aussi peut-être des dates dans le coin pour nos auditeurs qui n'iraient pas sur Paris. Alors, J'aimerais beaucoup, vraiment. Ça serait sympa. Hein, mais on en a discuté. C'est un peu compliqué en ce moment sur Nancy. C'est sûr. Donc sur Nancy, actuellement, j'ai vraiment rien de prévu. Et on a joué récemment à Metz, le 31 octobre. Mais là, pour le moment, sur le coin, malheureusement, non. Ok. Mais écoutez, si vous êtes un programmateur, un comité des fêtes, un SMAC, une association, quelqu'un qui organise des concerts privés, parce qu'il y en a aussi. C'est vrai, notamment via la plateforme Hormur qui commence à prendre de l'importance, bah, n'hésitez pas à booker Electric Presskit. Mais avec plaisir. Pour être sympa, on vous contacte sur les réseaux, du coup. Sur Facebook ou Instagram, hein, y a pas de problème. Okay. Le message est passé. Merci Emmanuel d'avoir participé. Merci Emmanuel d'avoir participé à cette émission. Donc on rappelle Electric Press qui te présente sur Facebook, sur Instagram. Tu m'as dit trois albums et un EP. Et un EP. Le dernier EP qu'on retrouve sur Bandcamp, electricpresskit.bandcamp.com, les trois précédents albums sur Spotify, et il y a des CD en vente chez certains disquaires, notamment tu parlais d'un disquaire punk à Nancy. Punk Rock Records. Punk Rock Records. Qui se situe où? C'est rue Gourmande. Célèbre rue Gourmande. Rue des Maréchaux. Rue des Maréchaux. Rue Gourmande, il y a un disquaire. D'accord. Il faut savoir que Punk Rock Records, c'est le. Je lui fais de la publicité du coup, hein, mais c'est le plus ancien disquaire indépendant de France encore en activité. Ok, trop bien. Et c'est un monsieur qui est très connu dans le coin, qui a un gros background, qui a fait énormément de choses dans le milieu musical nancéen, voire national, et qui tient toujours sa boutique, et on y trouve des disques fabuleux. Eh bien écoutez, ce sera peut-être l'occasion, je ne sais pas, d'aller acheter un CD, et puis après d'aller manger dans l'un des restaurants de cette rue gourmande que même à Paris, on nous envie. Enfin, je crois pas, mais... Quasiment. Merci beaucoup Emmanuel, on embrasse ton comparse Jean-François, et on va finir... en note d'amour, puisque avec ta musique, ta présence, tu as fait battre mon cœur et celui de millions d'auditeurs, espère. J'espère. Le titre de Battre mon cœur, qui est issu des précédents albums. Qui est sorti en 2022. De Battre mon cœur, on se met ça et puis on se dit au revoir. On se dit au revoir. Merci encore. Avec plaisir. Vous retrouvez Couleur Locale la semaine prochaine. Samedi à 13h, dimanche à midi, le podcast dimanche à 18h sur mon Spotify. Pierre Mercier, Radio Fadjet. Bonne continuation à Electric Presskit. Bonne continuation à toi et puis à Radio Fadjet. À très bientôt, merci. On écoute le titre de mon cœur. De battre mon cœur. On va y arriver. Allez, on se laisse. Égorgé de l'intérieur, honneur à vif, cicatrice à l'extérieur, coup décisif, achevé à terre, prostré à genoux, le cœur abîmé, je désespère, cœur éteint, au cœur flétri, cœur étreint, et cœur détruit, et cœur éteint, et cœur créé, et cœur étreint, et cœur oublié. Cœur éteint, Battre mon cœur, c'est arrêté.